Chapitre 16e. Les deux cérémonies se firent en même temps. La petite église était parsemée de sublimes fleurs blanches endorantes. Rory et Jeannette, ainsi que Patrick et Larmes de pluie, assis au premier rang, endimanchés et dignes, écoutaient religieusement le sermon du vieux curé. Bison Ardent, quant à lui, dans un superbe costume que l'on eut bien du mal à retoucher à sa taille, ne comprenant pas un traître mot de ce qui se disait, commençait à trouver le temps long. Il se levait, puis s'asseyait de nouveau. Il fallut que Larmes de pluie lui expliquât la cérémonie pour qu'enfin il se décidât à se tenir tranquille. Au moment des serments, les parents versèrent une larme de joie. Et là, on vit Bison Ardent se précipiter vers le vieux prêtre, l'attraper au collet et commencer à le secouer dans tous les sens. Le pauvre homme, à moitié étranglé, émit une petite protestation et Patrick se porta à son secours ainsi que Rory. Mon frère, lâche ce saint homme, je t'en prie. Mes enfants, es-tu devenu fou? Il vous a tous fait pleurer. C'est une mauvaise langue, il ne faut pas croire ce qu'il dit. Josh et Jessie, un instant perplexes, se mirent à hurler de rire. Père, il faut tout de suite expliquer à notre oncle ce que le prêtre a dit et pourquoi vous pleuriez. Sinon, je crains le pire, dit Jessie entre deux hoquets. Tu as raison, fiston, nous avons été stupides. J'aurais dû dire à mon frère comment se déroulait un mariage chez les Blancs. Bon, je l'emmène un peu plus loin, le temps d'éclaircir ce petit malentendu. Mon père, continuez donc, je vous en prie, et surtout excusez-nous. Je comprends, mon fils, dit le vieux prêtre, qui, revenu de sa frayeur, avait retrouvé son bon sourire. Quelques minutes plus tard, Bison Ardent et Patrick reprirent leurs places respectives, et finalement le prêtre bénit ses ouailles et les déclara unis par les liens sacrés du mariage. Quelle belle cérémonie! Regardez-les. Ah, que j'aimerais retourner de quelques années en arrière, soupira Jeannette. Pourquoi faire? Fit Rory, toujours aussi bourru. Nous nous sommes mariés pareillement, non? Bon, allez les enfants, on rentre, et je ne vous dis pas comment nous allons nous régaler. J'en ai l'eau à la bouche. Oh, mon Rory, tu es l'homme le plus. Je sais, ma Jeannette, l'homme le plus formidable que tu connaisses. Sur ce, il lui planta un baiser sonore en pleine bouche et reçut une bonne bourrade dans l'estomac en récompense. Voyez comment elle me traite, misère. Je me suis mariée à une mégère. Rory Flanagan, si tu ajoutes un seul mot, un seul, je sens que je vais faire un malheur. Le pauvre Bison Ardent, qui avait assisté à toute la scène, se grattait la tête perplexe. Je ne comprendrai jamais les hommes blancs. Ils pleurent, s'embrassent et se battent plus vite qu'un cheval au galop. Et tout ça pourquoi? Apparemment rien. Ou alors, à moins que les mariages chez eux ne déclenchent ce genre de folie. Non, mon frère, c'est le sang irlandais qui fait que nous sommes si exubérants et ardents. Et le sang normand alors? Répliqua Jeannette. C'est de la pisse d'âne? Oh, loin de moi de penser ça, ma bonne Jeannette. Mais votre sang et le nôtre réunis, cela donne ce mélange explosif. Rory n'avait pas exagéré. Le repas de noces fut succulent. Jeannette, Claire et Alice s'étaient surpassées. Il y avait là, sur un lit d'algues, des huîtres de la baie de Cancale, des langoustes du Mont-Saint-Michel, des chapons rôtis avec leur garniture de petits légumes variés, des oies dodues élevées en plein air et gavées de bons grains, des soles, truites et autres poissons tout frais pêchés. Vinrent ensuite un plateau de fromage de la région et une pièce montée gigantesque. Il y avait quand même deux mariages à célébrer, et le champagne coula à flots. Il était entendu que les jeunes mariés se retirent dans la belle demeure que Patrick avait fait construire sur la colline pour leur nuit de noces. Il fut aussi convenu qu'ils resteraient là un mois. Ne voulant pas entreprendre de voyage, leur lune de miel se ferait plus tard. Rory et Jeannette accueillirent donc Patrick, Larmes de pluie et Bison Ardent à l'auberge. Bien que leur séjour fût un enchantement, Larmes de pluie voyait souvent Patrick perdu dans ses pensées. Je sais ce qui te préoccupe, chérie. Il ne faut pas que tu penses au ranch et au reste. Tes fils sont assez intelligents pour savoir ce qu'ils ont à faire. Cesse donc de te ronger les sangs et va avec Rory et mon frère en mer. Depuis quelque temps, je me demande même si Bison Ardent ne songerait pas à devenir pêcheur lui-même. Il est doué et il adore ça. Des tourteaux succulents qu'ils nous ont ramenés la dernière fois. Ah non, tout mais pas ça. Il faut bien que quelqu'un garde les pieds sur terre, nom d'un chien. Toutes ces années de dur labeur ne s'en iront pas en fumée à cause de deux mariages tout de même. Je plaisantais, mon chéri. Arrête donc de penser. Et file, ils t'attendent. Lorsqu'au bout d'un mois on vit revenir les deux couples de jeunes mariés, Patrick eut un soupçon de frayeur. Ils étaient si bien dans ce pays. Peut-être allait-il lui annoncer qu'ils y resteraient. Cela le terrorisait. Il savait qu'à son âge, il ne pourrait plus tenir le ranch encore longtemps. Jour après jour, larmes de pluie et bison ardent inquiet le voyaient dépérir. Il ne voulait plus sortir, mangeait à peine et devenait irritable. Un soir que toute la famille sortait de table et s'installait confortablement dans le salon de l'auberge, Bison Ardent prit la parole. Ça suffit à présent, mes enfants. Dites à votre père quelle sera votre décision. Il est mort de peur à l'idée que vous vouliez vous installer en France. Alors assez attendu, parlez clairement une fois pour toutes. Josh se leva, se servit un verre de fine champagne, alluma un cigare et se tourna enfin vers son père. Nous avons longuement et mûrement réfléchi, tu sais. Nous ne repartirons pas tous les deux en Amérique. Un silence de mort tomba brutalement sur toute l'assistance, et il reprit enfin la parole. Seuls Claire et moi rentrerons avec vous. Un immense soupir sortit de la poitrine de Patrick. Tu ne sais pas tout le bien que tu viens de me faire, mon fils. Mais j'aurais compris, même si vous aviez voulu rester tous les deux ici. Par contre, j'aurais eu beaucoup de peine et n'aurais su comment faire face à cette montagne de travail qui nous attend chez nous. À présent, je dois admettre que je suis grandement soulagée, bien que je perde un fils. Tu perds un fils, dit Jessie, mais tu gagnes une fille. Je crois que tu ne perds pas au change, je me trompe. C'est exact. Je vous aime beaucoup, ma petite Claire. Voulez-vous me considérer comme votre père? Bien sûr, je vous aime aussi beaucoup, et je vous aiderai de mon mieux, je vous le promets. Se tournant vers son autre fils, Patrick lui demanda: Toi, que vas-tu faire, mon garçon? Je voulais justement te parler de mon projet, mais cela risque d'être long et je ne voudrais pas ennuyer tout le monde. Rory et Jeannette firent un petit signe à Josh et à Claire, et prétextant une grande fatigue, certes bien soudaine, leur souhaitèrent une bonne nuit. Bison Ardent voulut se retirer également lorsque Jessie le retint. Non, attends, mon oncle. Ce projet te concerne également. Voilà. Pendant 2 bonnes heures, Jessie parla et finalement se tut, attendant le verdict de son père et de son oncle. Les deux hommes se regardèrent. Bison Ardent hocha la tête. C'est une excellente idée, mon fils, et pour une fois ton oncle est d'accord avec moi. Ces prochains jours, je vais consulter nos comptes, et après ça, ce sera à toi de jouer, et de jouer serré, mon fils. Le monde de la finance est implacable. En effet, Jessie avait vu son père bien des fois pester contre les banques en général et les banquiers en particulier. Cela lui avait donné l'envie d'en fonder une lui-même, mais ici, dans ce pays. Cela lui semblait réalisable et à présent, avec l'avis favorable des deux hommes les plus intelligents qu'il connût, il sut que son projet se réaliserait. Jessie ne voulait pas rester sur Honfleur. Il expliqua à son père que la ville était trop petite et pas assez commerçante. Bien sûr, il y avait le passage des bateaux, mais ceux-ci remontaient le long de la Seine jusqu'au port de Rouen, capitale de la Normandie. Un autre voyage s'imposait à l'intérieur du pays. Il fut donc convenu que Patrick et Jessie partiraient un bon mois à Rouen. D'abord pour voir comment se faisaient les affaires dans cette plus grande cité, et d'autre part pour trouver un emplacement pour la future banque et le jeune couple qui allait s'y installer. L'été se terminait, et déjà les couleurs chaudes de l'automne enveloppaient les arbres de la campagne normande. Quand la calèche qui emportait père et fils partit ce matin-là, larmes de pluie consolaient Alice qui se séparait de son jeune époux pour la première fois depuis leur mariage. Nous avons encore beaucoup d'endroits à découvrir. Vous me servirez de guide, voulez-vous? Bien sûr, madame, pourtant, j'aurais aimé l'accompagner. Nous avons été séparés si longtemps. Oh, je sais, mais le temps passe si vite, surtout lorsqu'on occupe les idées. Mon frère, lui, par exemple, s'est pris d'une passion irraisonnée pour la mer. Désormais, il part toutes les nuits avec votre père. Votre mère aime s'occuper de son établissement. Quant à Josh et Claire, mon Dieu, ils sont encore en lune de miel. Mais croyez-moi, cela changera quand ils arriveront aux Amériques. Il y a tellement de travail au ranch que Claire ne verra pas son mari aussi souvent que vous verrez le vôtre. En attendant, cher enfant, je me retrouve aussi seul que vous. Pourquoi n'en profiterions-nous pas, nous aussi? De plus, dans quelques mois, nous devrons repartir, et je vous laisserai là, mon fils et vous, peut-être, sans espoir de nous revoir un jour. Oh, ne dites pas ça, ça porte malheur. Bien sûr que nous nous reverrons. Vous reviendrez, n'est-ce pas? Nous verrons cela, enfant. Je pense que ce serait plus à vous qui êtes si jeune de faire le voyage pour venir nous voir. De plus, j'aimerais tant rendre la si belle hospitalité à Jeannette et à Rory. Il faudra leur en parler, mon enfant, et surtout ne pas laisser Jessie travailler toujours trop. Il ressemble tant à son père et il va avoir tant de responsabilités qu'il est capable de se tuer à la tâche rien que pour lui prouver que sa confiance est bien placée. Nous, les femmes, savons que c'est justifié. Mais les hommes, au fond, sont d'une autre race.